Les humains ont un type rustre, gardent de moi une image brute. Mais ils se trompent dans leur calcul, la lumière ne s'arrête jamais au contour du lustre. Une entrée en matière un peu brusque, la vérité est abrupte. Y'a pas de gloire sans vertu. Non, je ne suis pas ce bourrin bourru qui raconte au premier venu les contes du m'as-tu vu. Non, je ne pète pas plus haut mon cul. Et si un jour mes chevilles enflent, je serais bien capable de me couper une jambe. Fou, mais super sincère envers soi-même. J'ai tant de choses à apprendre, même d'un gosse qui vient de sortir d'un ventre. Chaque soir je meurs pour renaître, chaque jour est une pente malhonnête. Je veux pas être comme ces personnes qui parlent de leur petite personne. Des fois la troisième personne, on t'éduque depuis mots. Ma être quelqu'un mais très égoïstement, sans les yeux du monde des personnes. Et moi je pédale, pédale sans cesse, laissant derrière ceux qui me tentent. J'en ai oublié l'essentiel, le feu de la vie ne mérite pas les cendres. Le juste milieu on est la rente, je veux pas écraser pour monter sur l'autre. Je veux pas être le sous-vif de l'autre, donc comment faire qu'on l'autre se fout que je ris ou pleure. Il ne parle que langage du portefeuille, mais c'est pas de sa faute. Notre mode de vie est si faux que ça dépasse sa faute. Avoir peur est animalement humain, mais notre encéphale est si riche qu'on angoisse de ceci, de cela putain. J'en ai oublié de vivre, le cerveau tourmenté par des pensées intrusibles. Tout prend prise, la conscience s'enivre. Le monde est parano et l'idée déteint sur nous comme le peintre peint son tableau. J'dis pas non à un meilleur vécu, mais on ne saute pas les étapes, sinon on se boite, ces règles sont obtus. Cette habile faculté d'adaptation que possède l'esprit et son besoin de se perpétuer entretiennent la peur. Ce n'est pas pratiquer les vertus qui importe, mais comprendre l'origine de cette peur. Un esprit timoré peut pratiquer les vertus, il n'en restera pas moins toujours un esprit timoré. La vertu est pour lui un moyen d'échapper à sa petitesse, et les vertus qu'il acquérera seront elles aussi insignifiantes. Si l'esprit n'a pas conscience de sa petitesse, comment peut-il espérer toucher la réalité? Comment un esprit vertueux et insignifiant pourrait-il s'ouvrir à l'incommensurable? Si l'on comprend le mécanisme de l'esprit, qui est le moi, la vertu se manifeste. La vertu n'est pas un rempart, elle est la conscience spontanée et la compréhension de ce qui est. L'esprit ne peut comprendre, il peut traduire en acte ce qui est compris, mais il est incapable de compréhension. Pour comprendre, il faut qu'il y ait la chaleur de la reconnaissance et de la réceptivité que seul le cœur peut émettre lorsque l'esprit se tait. Mais le silence de l'esprit ne résulte pas d'un habile calcul. Désirer le silence, c'est encore être pris dans l'engrenage des réalisations avec tous les conflits et toutes les souffrances qu'applique une telle attitude. Désirer être ceci, désirer ne pas être cela, c'est dans les deux cas refuser la vertu du cœur. La vertu n'est pas le conflit et la réalisation, la pratique prolongée est le résultat, mais un état qui n'est pas la conséquence ou projection du désir. Si on s'efforce d'être, l'être n'est pas. Dans l'effort pour être, il y a résistance et refus, mortification et renoncement. Mais résistance et refus, mortification et renoncement n'engendrent pas la vertu. La vertu est la paix que donne la cessation du désir d'être, et cette paix vient du cœur, non de l'esprit. Par les exercices, les obligations, les interdictions, l'esprit peut connaître le repos, mais une telle discipline détruit la vertu du cœur, sans laquelle il n'y a pas de paix, pas de bonheur, car la vertu du cœur est connaissance. Krishnamurti, il n'y a pas de gloire sans vertu, il n'y a pas de vertu sans liberté, il n'y a pas de liberté sans amour, il n'y a pas d'amour dans la possession, car en définitive, on ne peut avoir mais être la vertu. Et quand tu es la vertu, qu'est-ce que tu t'en fous de la gloire ?